le premier de l'an est un jour de pillage. Elles mettent à sec la bourse de leurs amis. Autrefois, les amants de cœur, pour se soustraire aux exactions annuelles de la Lorette, quittaient leur belle avant les étrennes, et ne s'attachaient au char d'une autre qu'après l'époque fatale. Mais cette ressource n'est plus à leur disposition depuis que les Lorettes forment une espèce d'association dont chaque membre promet de venger et de regarder comme sienne l'injure faite à une autre membre. C'est ce qui fait leur force. Un Arthur qui se serait aujourd'hui assez osé pour planter là sa Lorette dans un moment aussi grave serait aussitôt brûlé dans tout le quartier des amours et ne pourrait plus y trouver une maîtresse. Or, comme il est de bon goût aujourd'hui d'aller chercher une maîtresse de ce côté-là, aucun Arthur ne s'exposerait de gaieté de cœur à pareille mésaventure. Qu'est devenu le temps où un protecteur ne croyait pouvoir célébrer dignement le renouvellement d'une année de plaisir qu'en offrant à sa dulcinée le contrat de cession d'une terre ou d'un château? Prince d'Hénin, maréchal de Saxe, Beaujon, et vous surtout, prince de Soubise, vous, le père des Lorettes de votre temps, où êtes-vous? Vous êtes remplacé par des marchands de peaux de lapin et des dissipateurs qui jouissent de 6 000 livres de rente. Si vous pouviez revenir sur la terre, vous rougiriez de ceux qui s'appellent vos successeurs. Votre souvenir arrache encore des larmes aux Guimard et aux Sophie Arnoux de notre époque. C'est là votre triomphe. Aujourd'hui, les Lorettes sont forcées d'aller chercher des Soubises jusqu'à Saint-Pétersbourg. Encore, ces Soubises-là commencent-ils à être un peu de contrebande. Ce n'est plus ce beau, ce grand modèle du XVIIIe siècle. L'avarice est à l'ordre du jour. Les dieux s'en vont. Fin du chapitre 6. Lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009.